heureux comme Maria. Je lui explique que la zigma rendue c'est là qu'on frappe à tous Paris. Elle me dit t'es bon à rien, t'as changé d'après, est-ce que tu veux parier? Je prends la vie depuis tant pis, je me consolerai avec mon autre Maria. C'est là que je l'appuie, mais j'aime toujours autant d'allumer loin de ces guerriers. Tu sais que je sors du ghetto et je côtoie cette Maria. Je sais que je suis un putain de pirate. Et tu sais que sur le bateau, c'est à plein qu'on navigue. Oh, tu sais que j'y vague. Tu sais que j'y vague. Je suis pirate, mais pour autant, je me calmerai que pour toi. Maria.